بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وما زلنا في صلاة ترجمة كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، مع الشرح للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: ويكون الرسول طوق نزول دجور على طريقشون دي تخوف الموت. Trois principaux dans l'endroit de Cheikh Mohamed al-Wahhab avec l'explication de Cheikh Fouzan, et nous étions arrêtés à la parole donc, de Cheikh Fouzan qui reprenait la parole de Cheikh Mohamed al-Wahhab. Wa yakunu al-Rasoul, donc le prophète sera. Wa yakul Cheikh Fouzan, habidallah, wa huwa Muhammadun alayhi salatu wa salam, wa huwa Muhammad alayhi salatu wa salam alaykum, ya ummata Muhammad shahidan, yashhadu alaykum inda Allahi annahu aqama alaykum al-hujja. وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول ما بلغني شيء ما جاءني من نذير حتى الكفار يعترفون عندما يلقون في النار. Donc le prophète sera, donc il s'agit de Muhammad عليه الصلاة والسلام, qui sera témoin contre nous, une preuve auprès d'Allah. Il nous a justement établi cette preuve. Nous n'aurons plus d'excuses devant Allah à l'envoi de ce messager alayhi salatu wasalam. Et le fait évidemment qu'il ait transmis également le message qu'il nous a conseillé pour Allah. Donc aucune personne n'aura une excuse. Le jour des comptes et dira: rien ne m'est parvenu, aucun avertisseur n'est venu m'avertir. Même mes clients, ils reconnaîtront cet état de fait lorsqu'ils seront jetés au feu. Même les mécréants reconnaîtront qu'ils n'auront plus d'excuses lorsqu'ils seront jetés au feu. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل أنتم في ضلال. Donc Allah dit dans le sens du verset: toutes les fois qu'un groupe y est jeté donc dans le feu, ses gardiens leur demanderont: quoi, ne vous est-il pas parvenu d'avertisseur? Ils dirent: mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc ils diront, ces gens-là, ils diront au prophète, au messager: vous êtes dans l'égarement. Donc ils ont mécru en eux, ils ne les ont pas cru, et les ont même traités d'égarés. هذه الحكمة في إرسال الرسل. Donc telle est la sagesse dans l'envoi des messagers. Donc établir la preuve pour Allah sur ses serviteurs. إقامة الحجة على العباد. Donc établir la preuve d'Allah sur ses serviteurs. وهدايته وهداية من أراد الله هدايته الرسل يهدي الله به من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. وبيجي الشيخ فوزان حفظه الله تعالى. Donc le fait d'établir la preuve pour Allah auprès ses serviteurs et le fait de guider celui qu'Allah aura voulu guider. Il guide par l'intermédiaire des messagers celui qu'Allah aura voulu guider. Donc à travers les messagers, Allah guide qui il veut et il établit la preuve en tous ceux qui ont rejeté ce message, tous ceux qui ont mécru et les athées en général. كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. Cheikh Abdullah avait dit, donc il reprend le verset, comme nous avons envoyé à Fir'aun un messager. Et après le Cheikh Fouzan en expliquant: الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي دعا ربوبية. Donc dans ce verset, le prophète en question, le prophète qui est envoyé à Moussa, à Pharaon, qu'Allah le maudisse, et Moussa. Le prophète qui est envoyé à Pharaon et Moussa, alayhi salatu wa salam. Et Pharaon, c'est quoi? C'est pas le nom. C'est un titre. C'est un titre qu'on donne aux ceux qui possèdent le pouvoir en Égypte. Au tyran, c'était un roi tyran, despote, qui était en Égypte, qui a prétendu être une divinité. وفرعون لقب لكل من ملك مصر يقال له فرعون. المراد به هنا فرعون الذي تعرف بي فقال انا ربكم الاعلى. Donc il s'appelle sur les répètes, donc c'est un, ici, hein, c'est un titre qui est donné à toute personne qui a l'autorité sur l'Égypte. Donc toutes ces personnes-là, on les appelle des pharaons. Et ici, le pharaon en question est celui qui a prétendu être une divinité. Hein, donc c'est dit dans le sens du verset, et il dit, donc Pharaon, je suis votre Seigneur le plus haut, le plus élevé. Pharaon, on continue l'explication du verset. Donc Pharaon, dans le sens du verset, Pharaon a désobéi au messager. Pharaon a désobéi au messager. Et après ce projet, Houa Moussa, Kafara bihi Pharaon, Kama, Asantahu fi kitabihi, Ma jara bihi Moussa wa Pharaon, Wa manta alayhi amru Pharaon, Wa qawmuhu. Donc, Cheikh Fazal dit, donc il a désobéi au messager. De quel messager il s'agit ici? Il s'agit de Moussa, alayhi salatu wa salam. Pharaon, Pharaon a mécru en lui, comme Allah nous l'a raconté dans son livre, comme Allah nous a raconté ce qui s'est passé justement entre Moussa et Pharaon, et comment c'est terminé, comment est-ce qu'il est advenu de Pharaon et de son peuple. فَأَخَذْنَاهُ أي أَخَذْنَا فِرْعَوْنَا بِالْعُقُوبَةِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَغْلَقَهُ هُوَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ. Donc فَأَخَذْنَاهُ إِنَّا لَهُ مُقِي dans le sens du verset, إِنَّا لَهُ مُقِي. Cheikh Fawzan dit en expliquant, donc nous avons pris fait Pharaon et l'avons châtié. Comment? En le noyant, lui ainsi que son peuple, dans l'eau, dans la mer. Puis nous les avons fait entrer dans le feu. Mimma khati'atihim udribu wa fa'udkhimu nara. Il ramène le verset, dans le sens du verset. Donc par leur péché, ils ont été noyés et ils ont été entrés dans le feu. فَسَارَ فِي النَّارِ فِي الْبَرْزَخِ. Donc c'est Pharaon et son peuple, non, pas Pharaon, pardon, et dans le feu, dans la vie intermédiaire. Le Barzakh, je ne sais pas comment on appelle ça en français, okay, hein. C'est la vie qui est entre la mort et la résurrection. La vie intermédiaire entre la mort et la résurrection. Là déjà, Pharaon est dans le feu dans cette vie-là, dans cette vie intermédiaire. قَالَ تَعَالَى النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. Ça va bien. Donc Allah dit dans le sens du verset, il est exposé au feu, donc nuit et jour, le matin et soir, nuit et jour. هذا في البرزخ قبل الآخرة. Déjà dans cette vie intermédiaire, Pharaon est exposé au feu nuit et jour dans la vie de intermédiaire avant la vie finale et après le jour des comptes. يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة. Ils sont exposés au feu matin et soir jusque la fin des temps. وهذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Donc ça c'est une preuve de l'existence du châtiment de la tombe qu'Allah nous en préserve. Et Allah dit dans le sens du verset, et lorsque l'heure sonnera, faites entrer Pharaon et ses adeptes, hein, dans un châtiment encore plus terrible, encore pire. هذه ثلاثة عقوبات. الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. الثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. الثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. Donc trois châtiments pour Pharaon. Le fait qu'Allah là, lui et son peuple, le fait qu'Allah l'a noyé et l'a effacé en une fraction de seconde, du premier au dernier, il les a tous anéantis, du premier au dernier, en un seul instant. Le deuxième châtiment, le fait qu'ils sont châtiés dans la vie intermédiaire, le Barzakh, jusqu'à la fin des temps. Et le troisième châtiment, c'est le fait que lorsque ils seront ressuscités le jour des comptes, ils seront entrés dans le feu avec un châtiment encore pire, qu'Allah nous en préserve. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإنما آله أشد من مآل قوم فرعون لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل فمن عصاه تكون عقوبته أشد. هذا اللي بنقول. شكرا لله. il dit, il en va de même pour le prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed, hein, la destination de ceux qui ont désobéi à Mohammed, la destination de celui qui a désobéi au prophète Mohammed, sa destination sera encore pire que la destination de Pharaon. La destination de ceux qui ont désobéi à Mohammed sera encore pire que la destination de Pharaon. Pourquoi? Parce que Mohammed, c'est le meilleur des prophètes. C'est le meilleur des prophètes. Donc le fait de lui désobéir, ça entraîne un châtiment encore pire. Hein, ça entraîne le pire châtiment qui puisse exister. أخذاً وبيلاً ثم قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قائلا قول الله تعالى أخذاً وبيلاً donc d'une façon rude, hein, d'une façon rude, sévère. أي شديداً قوياً لا هوادة فيها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Donc ils l'ont pris, donc il a pris Allah a pris par son peuple de façon sévère, dure, sans aucune douceur. Et Allah ramène dans le sens du verset, Allah dit, et c'est comme ça que nous, que Allah prend les peuples injustes, les peuples injustes qui ont été injustes. Certes, Allah prend ces peuples-là de façon très sévère et très dure. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. Donc ce verset est une preuve du bienfait d'Allah de nous avoir envoyé donc ce messager Muhammad عليه الصلاة والسلام. وأن الغرض من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة. Et pourquoi il a été envoyé le prophète عليه الصلاة والسلام pour nous montrer justement comment accomplir nos adorations. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسوله موسى عليه الصلاة والسلام. Donc celui qui obéit à ce prophète entrera au paradis, quant à celui qui lui aura désobéi entrera au feu, comme les pharaons et ses adeptes sont entrés au feu lorsqu'ils ont désobéi à leur messager Moussa alayhi salatu wa salam. وكذلك اعداء الرسل كلهم وكذلك اعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. Il y aura de même pour tous les ennemis des prophètes. Tous les ennemis des messagers, quel qu'ils soient, c'est leur destination. Le feu est leur destination et c'est leur voie. ثم يقول الشيخ وزن حفظ الله في كتابه الله بعنوان الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. Un nouveau point, on a vu qu'il fallait trois points, il y a ces trois points, il fallait connaître. Et le deuxième, donc le fait qu'Allah n'accepte pas que qu'on lui donne des associés dans son adoration. فيقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. Donc, le fait que Allah n'accepte pas, n'agrée pas, qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration. فيقول الشيخ فوزان, pour expliquer ce verset, ce texte, هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit que cette question-là, ce point-là, est en relation avec le premier point qu'on avait vu, qui était le fait de démontrer qu'il était obligatoire d'adorer Allah, de vous inculquer exclusivement par Allah et de suivre le messager alayhi salatu wa salam. وهو معنى الشهادتين. Et c'est la signification, donc ça, le fait de vous inculquer exclusivement par Allah et de suivre son messager alayhi salatu wa salam, c'est la signification de la double attestation de foi. معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. Donc, telle est la signification de cette double attestation de foi, de savoir que nous attestons que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Un deuxième point, et c'est un point important. Donc, si vous mélangez votre adoration avec du polythéisme, si vous mélangez votre adoration avec du polythéisme, vous intégrez du polythéisme dans votre adoration, elle ne sera pas acceptée. لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. Car il est obligatoire que votre adoration soit vouée exclusivement pour Allah Azza wa Jalla. Il faut que votre adoration soit obligatoirement vouée exclusivement pour Allah Azza wa Jalla. فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة. Donc celui qui adore Allah et qui adore en même temps que Allah d'autres divinités, d'autres choses, son adoration est nulle. Et nulle et non avenue. Elle sert à rien du tout, elle est vaine. وجودها كعدمها. Elle existe, mais c'est comme si elle n'existait pas. لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد. لأن العبادة لا تنفع إلا بالإخلاص والتوحيد. Pourquoi? Parce que votre adoration ne sera utile que lorsqu'elle sera accompagnée donc d'une attention pure pour Allah et avec le tawhid, la pratique de l'unicité. فإذا خالطها شرك فسدت كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc et si vous souillez, si vous pervertissez votre adoration avec du polythéisme, elle devient mauvaise, elle devient nulle. Allah dit dans le sens du verset, nous t'avons certes révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si vous commettiez du polythéisme, vos actions, je réduirai vos actions à néant, et vous ferez certes partie des gens de la perdition. وقال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Alors mais notre verset de Coran, où Allah dit dans le sens du verset, et s'ils avaient commis du polythéisme, j'aurais certainement anéanti leurs œuvres, j'aurais anéanti ce qu'ils faisaient. Donc, l'adoration ne sera nommée, ne sera considérée comme adoration que lorsqu'elle sera accompagnée de la pratique de l'unicité, la tawhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Tout comme la prière, elle ne peut pas être considérée comme une prière, sauf si vous avez fait vous êtes purifié avant. Sauf si elle est précédée de la purification. إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. Si vous avez fait votre prière sans avoir fait vos ablutions, elle ne sera pas valable. Et si vos ablutions, vous avez commis une chose qui l'annule, forcément vos ablutions elles seront vaines. Elles seront vaines et par la même occasion, votre prière. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla rassemble dans beaucoup de versets le fait d'ordonner de l'adorer et l'interdiction de lui donner à quelconque associé, l'interdiction de commettre à quelconque polythéisme. قال تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا واعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc Allah dit dans le sens du verset et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Oui, il a rassemblé entre le fait de l'adorer et de le mettre en garde contre le polythéisme. واعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Il dit aussi dans le sens du verset, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Il dit Allah aussi dans le sens du verset, nous ne t'avons pas envoyé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé des messagers, sans les avertir que nul ne mérite d'être adoré en dehors de moi, Allah. Donc adorez-moi. فقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة لله تعالى. Donc dans la parole d'Allah dans le sens du verset, nulle divinité ni d'être adoré en dehors de moi, il y a deux choses. Donc la négation du polythéisme et l'affirmation de l'adoration du culte exclusif pour Allah seul. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله يقول في هذا الصنف من الآيات، et ton Seigneur t'a décrété que tu ne devais pas adorer autre que lui. Il dit aussi dans un autre verset dans le sens, nous avons certes envoyé à toutes les communautés un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Tarout, c'est ce qu'il a adoré en dehors d'Allah. قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت. On a vu dans ces versets, Allah a associé le fait de l'adorer du moins explicite et de s'écarter en même temps du tarot. لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت. Pourquoi ? Parce que le fait d'adorer Allah ne sera considéré comme une adoration que lorsque vous serez écarté du tarot. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وهو الشرك, c'est quoi l'idée ? قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله يجعل الله يجعل الله celui qui mécroit au tarot et qui croit en Allah, il sera certes accroché à l'anse la plus solide. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت. Donc le fait de croire en Allah seul ne suffit pas. Il faut également, en plus de croire en Allah seul, le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به. وإلا المشركون يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به. Ou sinon, les politiciens, ils croient en Allah. Et les politiciens, ils croient en Allah. Mais le problème, c'est qu'ils prennent des associés à Allah. Ils croient en Allah, mais ils ne rejettent pas le tarot qui adore en dehors d'Allah. En plus d'adorer Allah, ils adorent d'autres choses en dehors d'Allah. On verra des exemples par la suite. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah est dans le sens du verset. Ils disent certes, croire en Allah, en fait, la plupart d'entre eux sont des polythéistes. بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ عِلْمَهُمْ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَلَكِنْ يُشْرِكُونَهُ بِالشِّرْكِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Allah dans ce verset, il dit bien qu'ils sont croyants. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Ils sont bien certes croyants, mais إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. En fait, ce sont des polythéistes. Pourquoi donc Allah permet dans ce verset qu'ils ont de la foi, ils ont de la croyance en Allah, mais ils la souillent, ils la pervertissent avec le polythéisme qu'Allah nous a présenté. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا. Telle est la signification de ce que voulait dire Cheikh, que celui qui adore Allah et qui suit le messager, c'est qui obéit au messager, il ne doit pas commettre de polythéisme, il ne doit pas donner d'associer à Allah. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Bah, Allah n'agrée pas, n'accepte pas le fait de lui donner un associé dans son adoration. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. Le prophète عليه الصلاة والسلام le hadith aussi qui ramène l'avoir entendu de son Seigneur Azza wa Jal. Allah dit dans le sens je suis celui qui le passe le plus des associés quel qu'il soit, celui qui fait un acte et qui m'associe dans cet acte à autre que moi, et qui associe autre que moi, donc autre qu'Allah dans cet acte, je le rejette, lui et son polythéisme. هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكثرون من ذلك ويصومون ويحجون لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلانا وعلانا ويستغيثون بالأموات هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل يخلطون العبادة بالشرك فعملهم باطل حابط حتى يوحد الله عز وجل ويخلص له العبادة ويترك عبادة ما سواه. Donc il dit, ce qu'on a dit, il y a des gens qui prient et qui attestent une huile digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed a.s. et le messager d'Allah. Et ils font beaucoup de ces choses-là, ils multiplient ces choses-là, ils jeûnent beaucoup, ils font le hajj, le pèlerinage, mais en même temps ils invoquent des tombeaux, des mausolées, ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, Al-Badawi, des gens du prophète, des petits-fils du prophète a.s. et des saints soi-disant. Et autres, et des gens de quel qu'ils soient. Et ils demandent de l'aide, ils demandent secours auprès des morts. Hein? Tous ces gens-là, même s'ils disent croire en Allah et au messager, même s'ils prient, même s'ils, etc., le fait qu'ils commettent du polythéisme, en plus de le fait de croire en Allah, ça annule toutes leurs actions. Leur adoration, elle est nulle, vaine, elle ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé, ils ont donné des associés à Allah. Ils ont mélangé l'adoration d'Allah, le culte exclusif qu'ils doivent vouer à Allah seul avec du polythéisme, avec d'autres, avec des associés à Allah. Donc leurs actions sont vaines. Allah les a réduites à néant. Et elles seront comme ça jusqu'à ce qu'ils adoreront Allah seul, jusqu'à ce qu'ils unifieront Allah dans leurs actes. Et jusqu'à ce qu'ils feront de leur adoration des adorations avec une intention pure pour Allah. Et en même temps, en plus de ça, délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a vu, il ne suffit pas de dire j'adore Allah, ça suffit. Non. J'adore Allah et je délaisse, je renie tout ce qui est adoré en dehors de lui. وإلا فإنهم ليسوا على شيء فيجب التنبه لهذا لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان كائنا من كان. Donc ces gens-là, hein, ceux qui font, ils peuvent faire beaucoup d'adoration, mais malheureusement, ils donnent des associés à Allah dans leurs adorations. Donc eux, ils sont sur rien du tout en fait. Ils sont sur rien du tout. Donc faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça, car Allah n'accepte pas, n'agrée pas qu'on lui donne à quelconque associé dans son adoration. Quel qu'il soit, لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد مهما كان لئلا يقول أحد أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم فنقول له هذه مقالة الجاهلية اتخذهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله والله لا يرضى بهذا. Donc il dit ces gens-là, donc Allah n'accepte pas qu'on lui donne à quelconque associé, hein, pour que la personne ne pourra pas dire, moi je prends, donc c'est pieux, ces gens pieux, comme il dit, ces gens pieux, ces gens saints, etc., comme intermédiaire entre moi et Allah. Moi je n'adore pas la statue, je n'adore pas les idoles, comme on le faisait à l'époque quand t'es islamique. Allah, je prends ces choses-là, donc ces intermédiaires, ces choses-là, donc ces gens pieux, ces saints, etc., comme intermédiaires seulement, je ne les adore pas. Ils adorent pas, ils juste les prendre comme intermédiaires. On va demander directement à Allah, il demande à ses saints, il demande aux pieux, etc. Il dit, on voit la chère Bajan, il dit, cette parole, justement, c'est la parole de la Jahiliya, la parole de l'époque anti-islamique. Ils ont pris ces gens-là, donc ces saints et ces pieux, soi-disant, comme hein, intermédiaires auprès d'Allah. Parce que, soi-disant, ce sont des gens pieux et ce sont des alliés parmi les alliés d'Allah. Et Allah n'agrée pas cela. Allah n'agrée pas cela. Toutes vos adorations, quelles qu'elles soient, toutes, sans exception, elles doivent être vouées exclusivement à Allah, sans aucun intermédiaire, pareil, quelles qu'elles soient. ثم يقول شيخ الإسلام بن الوهاب رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il dit donc dans la suite de fait qu'Allah n'accepte pas qu'on lui a donné quelque chose, il précise, ne serait-ce fut-il un ange rapproché ou un prophète envoyé. قوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك المقرب هو أفضل الملائكة مثل جبريل عليه السلام وحاملة العرش ومن حوله والملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى. Donc, Cheikh Fawzan Hamdallah dit, les anges rapprochés, ce sont les meilleurs des anges. Ce sont les meilleurs des anges, comme Jibril alayhi salatu wasalam, ou ceux qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal et ceux qui sont autour. Et ces anges sont rapprochés, sont plus proches d'Allah Azza wa Jal. فمع قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكان عند الله لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc il dit bien que ces anges soient proches d'Allah en termes d'endroit et même en termes de Allah, c'est très bien leurs adorations. Hein. Et si on prenait ces anges-là, qui sont vraiment les meilleurs anges qui existent, si on prenait ces anges-là comme intermédiaires pour nos adorations pour Allah, Allah n'accepterait pas cela. Car cela relève du polythéisme. Fut-il donc, il le répète, donc fut-il un ange rapproché ou un prophète envoyé, comme Mohammed alayhi salatu wa salam, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ou Isa, ou Nour, ou Ibrahim, ou l'Izm, ou l'Azm. Donc que ce soit Mohammed alayhi salatu wa salam, il a interdit de demander à Mohammed alayhi salatu wa salam, au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme il a interdit de demander à Isa, à Nour, à Ibrahim, tous les cinq grands prophètes, et puis les cinq grands messagers d'Allah azza wa jal. Là, il y en a, أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر. Donc Allah n'accepte pas la guépa qu'on lui donne à quelconque associé, quel qu'il soit, fût-il le meilleur des anges et le meilleur des êtres humains. Fût-il le meilleur des anges et le meilleur des êtres humains. فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل فكيف بغيره من أولياء والصالحين فغير الملائكة والرسل من باب أولى أن لا يرضى الله بإشراكه معه في العبادة. Comment ça? Allah n'accepte pas la guépa qu'on prenne comme intermédiaire, comme conjugal, comme associé, les anges les plus proches et les meilleurs des messagers et les messagers. Que dire de ceux qui sont en dessous de ces deux choses-là en termes de degré, de rang, comme les gens pieux, etc. Donc il est interdit de prendre comme intermédiaire les anges rapprochés et les messagers. Donc par la force des choses, de facto, encore plus interdit, façon de parler, de prendre comme intermédiaire ce qu'ils considèrent comme étant des saints, etc. dans vos adorations. وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربهم عند الله زلفى. Donc ça c'est une preuve, c'est une réfutation à ceux qui prétendent qu'ils peuvent prendre ces choses-là, donc les saints, etc., les tombeaux, les mausolées, etc., comme intermédiaire auprès d'Allah pour se rapprocher d'Allah. Il est interdit de prendre quoi que ce soit pour se rapprocher d'Allah. Fût-il un ange proche, ou un prophète envoyé, ou un pieu parmi les pieux, ou votre grand-mère, ou n'importe qui. Il est interdit de prendre comme intermédiaire qui que ce soit entre vous et Allah dans votre adoration. Sinon, vous risquerez de perdre toutes vos adorations. Justement, elles seront réduites à néant. Donc, il faut faire très attention à la Allah. Et comme disaient les gens de la Jahiliya, donc à l'époque entrée islamique, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc il disait ça. Et il disait, au sujet des intermédiaires dans la charge du verset, il disait nous ne les adorons pas. Nous n'adorons pas ces personnes-là. Nous servons d'eux comme intermédiaires pour nous rapprocher d'Allah. Pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Et ils savent très bien que ces intermédiaires, ils savent très bien que ces intermédiaires ne créent rien, ne pourvoit, ne donne aucune subsistance et ne donne ni la vie ni la mort et ne ressusciteront en rien quoi que ce soit. Donc c'est quoi? Pourquoi ils les prenaient? C'est juste pour qu'ils soient des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم ذبحوا للقبور ونظروا للقبور واستغاثوا واهتفوا بالأموات. Donc, ils ont pris que si ça arrivait, le problème qui est arrivé, donc ils sont servis dans le premier temps contre eux comme intermédiaires, et ils ont fini par leur vouer des adorations. Ils ont fini par leur vouer des adorations. Comme le fait de, et c'est courant, on ne sait pas dans les pays musulmans, ça existe, le fait qu'ils dorment, qu'ils immolent. On parle d'adoration. Il y en a qui immolent pour autre qu'Allah. Ils immolent au niveau des tombes. Il y en a qui immolent des tombes ou qui font des vœux, qui demandent à des personnes enterrées, qui leur demandent des choses, qui font des vœux à cet endroit-là, ou qui demandent le secours auprès de morts, qui tournent autour d'eux. ويقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Le fait qu'il ne faut pas donner d'associé à Allah, aucun associé. Donc la preuve dans le sens du verset. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, donc n'invoquez personne en dehors de lui. فيقول الشيخ فوزان لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان وهذا صريح في القرآن والسنة. الشيخ فوزان répète, dit Allah n'accepte pas, n'agit pas qu'on lui donne à quelconque associé, quel qu'il soit. Et ça, c'est clair, c'est évident dans le Coran et la Sunna. لمن يعقل ويتدبر وينبذ تقليد الأعمى والتعليل الباطل. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour celui qui utilise son esprit, qui utilise sa raison, pour celui qui médite, pour celui qui rejette le suivi aveugle et les fausses excuses. ويتبع لينتبع لنفسه. Et qui fait attention à sa personne. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc, il a, donc Allah n'accepte pas, n'agit pas qu'on lui donne un quelconque associé. Et la preuve de cela, elle réside dans la parole d'Allah, dans la source du verset. Et certes, les associés appartiennent à Allah, donc n'invoquez personne en dehors de lui. Al-masajidu hiya buyutullahi wa hiya al-mawatin al-mu'idda lis-salat. Donc, quels sont quoi les mosquées? Je vous explique que les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. Ce sont les endroits qui sont faits, préparés pour la prière. Wa hiya ahabbu al-biqa'i ila Allah. وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Donc ce sont les endroits préférés et d'Allah. Ce sont des maisons dans lesquelles Allah a autorisé que son nom soit évoqué, que sa grandeur soit évoquée. يجب أن تكون هذه المساجد مواطنا لعبادة الله وحده. Donc il est obligatoire que ces mosquées doivent être des endroits où l'on adore Allah seul. Hein? Il est obligatoire que les mosquées doivent être un endroit où l'on adore Allah seul, sans lui donner un quelconque associé. فيها وحده لا يحدث فيها شيء لغير الله فلا تبنى فيها القبور والأضرحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. Donc il a dit il ne faut pas introduire dans ces mosquées des choses qui vont justement annuler ce culte exclusif, comme le fait d'y introduire des tombeaux, d'y introduire des mausolées, car le prophète صلى الله عليه وسلم a maudit celui qui commet un tel acte. وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى. ونهى عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرة الموت عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. هذا يقوله وهو في سياق الموت ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et le prophète والسلام, nous a interdit de faire un tel acte hein, à la fin de sa vie, alors qu'il était hein, pendant les arbres de la mort, pendant l'agonie de la mort. Le prophète والسلام, a dit, certes, ceux qui étaient avant vous, faisaient de vos mosquées, des mosquées, des lieux de culte, faisaient de leurs lieux de culte des tombeaux. Ils allaient dans les tombeaux et ils en faisaient des lieux de culte. Hein, ceux qui étaient avant vous, prenaient des tombeaux comme des lieux de culte. Il disait ça alors qu'il était en train de mourir. Donc, ne faites pas des tombeaux des lieux de culte. Ne faites pas des tombeaux des lieux de culte, des lieux d'adoration. Hein? Car je vous interdis de commettre de faire cela. Allah a dit que la malédiction s'abatte sur les Juifs et les Chrétiens hein, qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte, des lieux d'adoration. Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux d'adoration. فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية وألا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها. بل تكون مواطن عبادة الله وحده تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن وتقام فيها الدروس النافعة ويعتكف فيها للعبادة هذه هي وظيفة المساجد. شيخ فوزان يجي حفظه الله. Donc les mosquées doivent être purifiées des traces du polythéisme et de l'idolâtrie. Les mosquées doivent être purifiées des traces du polythéisme et de l'idolâtrie. Et ne doivent pas être construites sur des tombeaux, où on ne doit pas y enterrer non plus des morts après les avoir construites. Ces mosquées doivent être des endroits de l'adoration d'Allah seul. Ça doit être des mosquées, donc des endroits où on voue un culte exclusif à Allah seul. Ce sont des endroits où on accomplit la prière, où on fait le rappel d'Allah, où on y lit le Coran ou on y écoute des cours qui sont utiles et des endroits où se retirent pieusement hein, pour y accomplir des adorations. Telle est la fonction des mosquées. C'est sûr. Telle est la fonction des mosquées. Donc les mosquées doivent être purifiées du polythéisme et de l'idolâtrie. Les mosquées sont faites pour vouer un culte exclusif à Allah, pour y faire la prière, pour y évoquer son nom grandement pour y lire le Coran, pour écouter les dourous, qu'il s'y faut, pour se retirer pour l'adoration. Telle est la fonction des mosquées. Inch'Allah, bi hadha al-qadr al-kifaya, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والى الدرس القادم من الاربعاء ان شاء الله في العزاء وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبون صلاة الشهداء ان شاء الله pour aujourd'hui et jusqu'au prochain mercredi comme d'habitude 45 minutes avant l'Isha et بارك الله فيكم pour votre écoute et patience.